Je t'aimais comme un fou. J'ai choisi de te suivre partout et de vivre à tes genoux. Et même si tu ne veux pas revenir, je garderai figé en moi cet élan, ce désir, cette bande flamboyante. Et même si les cœurs sont trop lents à voir s'agrandir l'instant dans un bouillonnement infini d'amour.